Bonjour, c'est Fabrice Drouel. Je vous propose, en attendant de revenir très vite avec des épisodes inédits d'Affaires Sensibles, bien sûr, de redécouvrir les fameux rendez-vous avec X. Cette émission culte de Patrick Penaud va vous permettre de pénétrer dans de nombreuses affaires sensibles dans les coulisses des services secrets français. Rendez-vous avec X, Patrick Penaud. L'affaire était curieuse et même inédite si j'en crois les auteurs de l'histoire politique des services secrets français. Le SDEC, comme s'appelait alors notre service de renseignement, est intervenu directement pour la première et unique fois de son existence dans le cours de l'histoire d'un pays européen. Comme s'il s'agissait de l'un de ces États africains francophones où, malgré la décolonisation, nos barbouzes ont longtemps fait la pluie et le beau temps. Ce pays, c'est le Portugal. Et ce n'est pas un hasard, car au temps du salazarisme triomphant, le SDEC entretenait des rapports étroits avec la police politique du pays, la redoutable PIDE, le service secret d'un pays démocratique, la France, collaborant avec les organes de répression d'un État dictatorial, le Portugal. C'était malheureusement la vérité. Mais la guerre froide permettait ce genre d'alliance douteuse, car il fallait d'abord faire pièce au communisme partout où il était censé menacer les intérêts de l'Occident. À ma demande, M. X s'est donc penché sur ces événements qui se sont déroulés au mi-temps des années 70, c'est-à-dire avant et après la révolution des œillets. Prendo la Villa Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena. Dentro de ti a cidade. Dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola tua vontade, Grândola tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Un point important pour commencer. À la différence de la France qui a accordé l'indépendance à ses colonies africaines dès 1960, le Portugal reste une puissance coloniale au début des années 70. Il règne toujours sur le Mozambique, l'Angola, la Guinée-Bissau et les îles du Cap-Vert. Et son armée réprime dans le sang les guérillas indépendantistes. Mais c'est aussi cette obstination colonialiste qui va à terme provoquer la chute de la dictature. En effet. Il vous faut savoir que plus de 150 000 soldats portugais sont mobilisés dans ces colonies où ils conduisent une sale guerre, comme le sont toutes les guerres coloniales. Ouais. Et pour ce petit pays, c'est énorme. Et d'autant que le Portugal est alors victime d'une véritable évasion démographique. Les habitants, pour la plupart des jeunes gens, fuient alors leur pays par centaines de milliers pour échapper à la misère et à leur incorporation dans l'armée. Et ils rejoignent souvent la France. À laquelle ils vont apporter leur considérable puissance de travail, alors même qu'ils vont y vivre dans des conditions souvent misérables. Ouais, les bidonvilles. Oui. Tandis qu'au Portugal même, pour pallier cette hémorragie démographique, le régime et les autorités militaires portent la durée du service militaire à 4 ans. Ce qui accroît encore ce mouvement de fuite. Évidemment. L'entêtement des autorités portugaises, les exactions qui sont quotidiennement commises dans les colonies, valent au Portugal une condamnation unanime de la communauté internationale. Et elles exacerbent le mécontentement tant dans la population que dans l'armée, où se lève une génération de jeunes officiers qui veulent en terminer avec ces guerres d'un autre âge. Et ça donnera la révolution des œillets. Oui, une révolution ourdie par des officiers subalternes, des capitaines. Des militaires qui vont mettre à bas un régime totalitaire vieux de presque un demi-siècle. Pratiquement, il faut le remarquer, hein, sans faire couler le sang. Ah, c'est en effet la caractéristique de cette rébellion. Et si malgré tout il y a eu une poignée de morts, ils ont été le fait d'une population qui a voulu se venger de la police secrète, la sinistre PID, principal bras armé de la dictature qui était à la fois une police politique et un service d'espionnage. Il y aura aussi ces images spectaculaires des habitants de Lisbonne qui vont descendre dans la rue et glisser dans les canons des fusées des rebelles, des œillets, hein, la fleur de ce mois d'avril au Portugal. D'où ce nom, la révolution des œillets, oui. Bon, enfin, n'allons pas trop vite et revenons en arrière. Si la collaboration entre notre SDEC et la PID va tourner essentiellement autour des affaires africaines, elle a aussi des racines purement politiques. Ouais, j'imagine la lutte contre la subversion communiste. Oui, on va retrouver là une nébuleuse d'extrême droite et les fameux réseaux Gladio. Ouais, ces réseaux conçus à l'origine pour combattre d'éventuels occupants soviétiques. Mais qui sont devenus au fil du temps des foyers d'agitation extrémiste et même antidémocratique. En Italie, en Belgique, ce seront les chefs d'orchestre de ce que l'on a appelé la stratégie de la tension. Nous en avons souvent parlé. Et au Portugal, alors? Le terreau est favorable, puisque le régime est dictatorial et d'inspiration fasciste. Et là, il faut parler d'un Français, installé là-bas depuis la fin de la guerre d'Algérie et le démantèlement de l'OAS. Et qui, précisément, hein? Un certain Guérin Serac, comme il se fait appeler. Ouais, un pseudonyme. Oui. Car je crois que son véritable patronyme est le Guillou, un bon breton. Enfin, peu importe. Alors, son parcours, Guérin Serac est d'abord un soldat. En Corée, en Indochine, puis en Algérie, il collectionne les décorations militaires. Détail intéressant, c'est justement en Algérie qu'il intègre le 11e bataillon de choc. Oui, le 11e choc, c'est l'unité où le SDEC recrute les membres de son service action. Donc, il a des liens avec le SDEC. Et comme je vous l'ai souvent dit, quand on a commencé, on en sort rarement. Quoi qu'il en soit, ce parachutiste, comme quelques-uns de ses camarades, s'engage dans l'OAS. Ah, il faut remarquer que le SDEC refusera toujours de s'impliquer dans la lutte contre l'OAS. Et donnera même à l'occasion quelques coups de main à ses soldats perdus, comme on les nommera pudiquement. En tout cas, le capitaine Le Guillou, devenu clandestin, trouve refuge en Espagne, où il rejoint le colonel Château-Jobert. C'est un ancien para, lui aussi. Et membre de l'OAS. Château-Jobert, c'est également un intégriste catholique un peu illuminé. Ensuite, Le Guillou, alias Guérin Serac, accompagné d'un petit noyau d'anciens de l'OAS et de sympathisants, dont l'écrivain Jean Brune, s'installe au Portugal. C'est là qu'il crée un petit mouvement politique catholique et d'extrême droite, Ordre et Tradition. Et simultanément, il fonde Agenter Presse. Et qu'est-ce que c'est que ça? Bon, en principe, c'est une agence de presse qui distribue les bulletins d'information anticommunistes dans toute l'Europe. Mais ça, c'est une couverture. En réalité, Agenter Presse, c'est un réseau d'extrême droite qui recrute des mercenaires, anciens d'Indochine ou d'Algérie, et propose ses services à toutes les officines factieuses qui pullulent à l'ombre des démocraties occidentales. Quel genre de service? initiation aux méthodes de guerre psychologique et de désinformation, par exemple, ou des techniques de sabotage, d'entraînement à la guérilla en passant par l'espionnage. Oui. C'est donc une sorte d'orchestre noir. Exactement. Et dans cette mesure, Guérin Serral, continuons de l'appeler ainsi, sera l'inspirateur et le complice des terroristes italiens d'extrême droite qui perpétreront plusieurs attentats meurtriers à la fin des années 60 et dans la décennie 70. En France, ce pourvoyeur de mercenaires a été en contact avec les réseaux de la France-Afrique. Ouais, Focard, donc. Forcément, car à chaque fois que l'éminence grise du général a voulu intervenir de façon occulte en Afrique, au Katanga par exemple, ou au Biafra, il a pu faire appel aux hommes recrutés par Agence Presse. Parallèlement, Guérin Serral a noué des contacts avec les gens du SAC. Oui, mais c'était souvent les mêmes, hein. Tout à fait, oui. Et au Portugal, alors? Guérin Serral est comme un poisson dans l'eau. Il est en particulier lié avec un certain Guido Giannettini, un journaliste auteur d'un ouvrage très complet sur les techniques de la guerre révolutionnaire. Ce personnage aurait travaillé au sein de la Légion portugaise, une milice créée par Salazar en 1936, à laquelle Guérin Serral a offert sa collaboration. Naturellement, cette légion était noyautée par la PID, la police secrète du régime. Ouais. Donc, Agence Presse, là, dans les meilleurs termes, avec la PID. C'est certain. Mmh. On en aura la preuve absolue lorsqu'après la révolution des œillets, certaines archives de la PID seront récupérées. Alors, voyons maintenant les relations du SDEC avec la police politique du Portugal. Encore une fois, on retrouve Focard. Et Focard qui exerçait, on le sait, hein, une sorte de tutelle sur les services secrets. C'est Focard qui est en même temps secrétaire général de l'Élysée, qui charge un nommé Claude Bellin d'établir un contact avec John da Silva. Ce personnage de son vrai nom, Joseph Vernier, est un Belge, longtemps proche de l'OAS. Agent de la PID, il est responsable de la surveillance des immigrés portugais en France, et plus particulièrement des réfugiés politiques. Quel est l'intérêt de ce contact-là? Bellin propose à da Silva les services des militants du SAC pour contrôler en France les immigrés les plus actifs. Et la contrepartie, alors? Les Français veulent pouvoir disposer de facilités dans les territoires portugais d'Afrique. C'est-à-dire? La possibilité, par exemple, d'y implanter des agents ou des mercenaires. En fait, ce qui intéresse surtout Focard, c'est la Guinée-Bissau. Et pourquoi là? À cause de sa proximité avec l'autre Guinée, la Guinée francophone. Vous le savez parce que nous en avons parlé autrefois. Focard a un vieux compte à régler avec l'homme fort de la Guinée. Sékou Touré. Ouais, l'homme qui a dit non au général de Gaulle. Et déjà à plusieurs reprises, mais en vain, les services secrets français ont entrepris de chasser Sékou Touré. Donc Focard n'a pas renoncé? Apparemment non, même si évidemment il prétendra toujours le contraire. D'une façon plus générale, la France, qui avait pourtant libéré ses propres colonies... Tout en gardant un œil vigilant sur la Révolution. Hein. Bien sûr. Donc, je vous disais, la France n'a pas hésité à soutenir le Portugal dans sa lutte contre les indépendantistes de ses colonies. C'est quand même un peu paradoxal, non? Non, pas tant que ça. À part Sékou Touré, les dirigeants de nos anciennes colonies étaient en général des modérés que Focard pouvait contrôler assez facilement. Mais Paris craignait que les guerres d'indépendance dans les colonies portugaises ne se terminent par l'accession au pouvoir de révolutionnaires d'obédience marxiste. Ouais, qui auraient pu contaminer les populations bien sages de nos anciennes possessions. Ouais, c'est exactement ça. Donc, la France n'a pas hésité à livrer des armes au Portugal. Et c'est l'un des hommes de Focard en Afrique. Mauricio Beaupré, dit Monsieur Jean, qui travaillait en étroite collaboration avec le Portugal, qui sera le pourvoyeur d'armes des sécessionnistes du Biafra. Toutefois, c'est un autre personnage, le portugais Agostinho Barbieri Cardoso, ancien directeur adjoint de la PID, qui sera le principal interlocuteur du SDEC, et deviendra même, après la révolution des œillets, un protégé de notre service secret. Dans les années 60 et au début de la décennie 70, la lutte contre la colonisation lusophone est incarnée par un homme, Amilcar Cabral, la bête noire, sans jeu de mots, des colons portugais. Sous le titre « Un intellectuel visionnaire », c'est quelques lignes extraites d'un article de 2006 du Monde diplomatique. Contraint de quitter la Guinée par les autorités coloniales, il s'engage en Angola dans une entreprise sucrière. Il reprend contact avec le mouvement nationaliste angolais, participe à la fondation du mouvement populaire de libération de l'Angola. À Bissau, il fonde en 1956, avec cinq compagnons, le Parti africain pour l'indépendance et union des peuples de Guinée et des îles du Cap-Vert, futur PAIGC. Après la résolution de l'ONU sur le droit à l'autodétermination des peuples colonisés de 1960, le parti de Cabral tente d'amener le gouvernement de Lisbonne à négocier pour mettre fin pacifiquement à la colonisation. En vain. Le PAIGC lance la première action contre les forces d'occupation en janvier 1963. Sous l'impulsion de Cabral, la guérilla prend un essor rapide qui ne tarde pas à mettre l'armée coloniale en difficulté. Cabral laisse une œuvre théorique remarquable qui est constamment réévaluée. Sa réflexion sur le rapport entre libération nationale et culture est plus que jamais d'actualité. Agostinho Cardoso est entré dans la PIDE très tôt, à la fin des années 40. L'un de ses principaux faits d'armes, si j'ose dire, a été de tendre un guet-apens au général Delgado, un opposant au régime qui avait le malheur d'être très populaire. Oui, Delgado a été assassiné. En 1965, oui. D'abord kidnappé à la frontière espagnole par les sbires de Cardoso, puis effectivement assassiné. Et ce succès a valu à Cardoso de le monter en grade. Il est devenu le responsable de la police secrète portugaise dans les colonies, et à un moment où la montée en puissance des indépendantistes africains provoquait les plus grandes inquiétudes à Lisbonne. D'où l'idée de chercher des appuis logistiques en Europe, à commencer par la France. Oui, toujours à cause de la Guinée. Oui, parce que Cardoso savait que les Français étaient décidés à se débarrasser de ces couturés. Il faut se souvenir que le leader guinéen avait proprement et publiquement humilié le général de Gaulle lorsque celui-ci avait entrepris sa grande tournée africaine avant le vote du référendum sur la communauté française. Et ça n'était toujours pas pardonné. Quant à Cardoso, il voulait, lui, liquider le leader charismatique de la rébellion en Guinée-Bissau et dans les îles du Cap-Vert, Amilcar Cabral. Ah oui, et pour cela, alors, il a besoin de l'aide du SDEC. Oui, car la base arrière de la guérilla conduite par Cabral se situe sur le territoire de l'ex-Guinée française et elle est naturellement soutenue par ses couturiers. Alors, au fond, c'est un échange de bons procédés? Oui, ou plutôt de mauvais procédés. Et qu'est-ce qui est envisagé, alors, pour réaliser ces deux objectifs? Français et Portugais mettent au point une opération conjointe. Nom de code, Mar Verde. Mer Verte. Ouais. Mais les deux parties vont chacune jouer masquée. Expliquez-moi. Là. Les services français ont recruté plusieurs centaines de Guinéens émigrés qu'ils ont réunis au sein d'un fantomatique front de libération nationale de la Guinée. Oui, c'est un faux-né du SDEC, par conséquent. Et il est intéressant de noter que ce front, qui aura une existence très éphémère, a été créé à l'initiative du plus francophile des chefs d'État africains. Ouais, c'est Oufouette Boigny, ça. Lui-même, ouais. Oufouette, qui n'avait rien à refuser à la France. Quant aux Portugais, comme ils ne veulent pas apparaître dans une opération militaire qui aura lieu hors de chez eux, ils ont déguisé leurs hommes en leur attribuant un treillis qu'ils ne portaient pas habituellement. Après un entraînement en Guinée et Bissau, l'action est déclenchée en novembre 1970. Et qu'est-ce qui est prévu? Un débarquement à Conakry, la capitale de la Guinée. D'où le nom Mar Verde. Oui, mais les objectifs sont nombreux. Pour les Portugais, il s'agit d'abord de libérer leurs prisonniers de guerre détenus en Guinée dans les camps des indépendantistes. Mais il leur faut aussi détruire les bases arrières du parti de Cabral. Et enfin, il est prévu de saborder les vedettes de la marine guinéenne qui transportent armes et munitions pour la guérilla qui opère en Guinée-Bissau. Enfin, naturellement, s'il est possible de s'assurer de la personne d'Amilcar Cabral, il faudra le tuer. Ouais. Et pour les Français ? Il s'agit bien sûr de renverser Touré et de l'éliminer physiquement, tout en installant au pouvoir ce front créé avec des exilés guinéens. Concrètement, ça se traduit par l'attaque du camp militaire le plus proche de la présidence, puis du sabotage de la centrale électrique. Et naturellement, pour réussir, il leur faut s'assurer du contrôle de la radio. Ouais, ça c'est classique. Et résultat ? C'est un échec sanglant pour les assaillants. On relève 350 morts, surtout des Guinéens. Et Sékou Touré garde le pouvoir et va se venger d'une façon impitoyable. Toutefois, les Portugais, eux, ont partiellement atteint leurs objectifs, contrairement aux Français. Mais Cabral leur a échappé, provisoirement en tout cas. Comment expliquer ce fiasco alors ? Visiblement, les agresseurs étaient mal informés. C'est donc le renseignement qui a failli. Oui, le SDEC a gravement sous-estimé les capacités de réaction du régime de Sékou Touré. Mais en ce qui concerne Cabral, vous avez parlé d'un échec provisoire. Les Portugais ne sont en effet nullement décidés à renoncer. Et pour aboutir, ils vont de façon parfaitement classique infiltrer le mouvement du leader indépendantiste et y fomenter des divisions. Et c'est assez subtil. Cabral, marxiste, tolérant et non dogmatique, avait toujours unifié les causes des indépendantistes de Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Les services de Cardoso ont par conséquent fait en sorte de persuader quelques dirigeants indépendantistes que Cabral favorisait dans son organisation les Cap-Verdiens au détriment des Guinéens. Et ils ont incité ces derniers à réagir. Évidemment. Et en janvier 1973, Amilcar Cabral a été assassiné près de sa résidence de Conakry par des éléments de son propre parti qui étaient donc manipulés par les services secrets portugais. Et cela au moment même où Cabral venait de remporter une double victoire, l'élection d'une assemblée nationale, puis en novembre 72, le vote d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant du Portugal de mettre fin à sa guerre coloniale. Le Portugal qui n'avait pourtant pas l'intention de s'incliner. Hein. Malgré la reconnaissance encore par l'ONU de l'indépendance de la Guinée-Bissau, non. Les Portugais sont toujours déterminés à défendre leur empire colonial. Et une nouvelle fois, les services français vont être impliqués. Ce sera l'opération Saphir, une opération franco-portugaise conçue durant l'année 1973 par la PIDE et le SDEC. Donc, en dépit de l'échec de 1970. Et dans un contexte international qui n'est guère favorable aux tenants du colonialisme. On peut donc s'étonner, dans ces conditions, de voir le SDEC participer une nouvelle fois à une aventure coloniale. C'est vrai, mais il faut tenir compte de la personnalité du nouveau patron du SDEC. Ouais, à l'époque, c'est Alexandre de Maranche. Dit Portos, c'est ça, oui. C'est un anticommuniste convaincu. Il est persuadé que les possessions coloniales du Portugal passeront forcément dans le camp de l'Est, si elles accèdent à l'indépendance. Donc il faut tout faire pour soutenir le gouvernement portugais néo-fasciste. Et éviter que les colonies africaines du Portugal accèdent à l'indépendance. Oui, mais les intérêts de la France dans cette affaire hein. Le SDEC n'a pas renoncé à éliminer l'imprévisible Sékou Touré, qui est une sorte de verrue au sein de notre ex-empire colonial. Alors en quoi va consister cette opération Saphir ? Il s'agit essentiellement de continuer à enfoncer un coin au sein du parti indépendantiste entre les Guinéens et les Cap-Verdiens. Et c'est d'autant plus facile que le charismatique Cabral n'est plus là. Les taupes de la PIDE, infiltrées dans le parti indépendantiste fondé par Cabral, manipulent Sékou Touré, qui va pencher du côté des Cap-Verdiens. De façon à accentuer les tensions entre les deux Guinées. Et aussi entre les pro-occidentaux et les marxistes. Ouais. Et pratiquement, alors, quand est-il prévu de passer à l'action ? Pendant l'été 1974, le SDEC a très précisément fixé les modalités de l'intervention franco-portugaise. Tout est prévu. Le transport des armes et de personnel, les camps d'entraînement, les communications radio et même l'avion qui doit transporter à Conakry le remplaçant de Sékou Touré. Mais il y a pourtant un imprévu d'importance. Ah oui, la révolution des œillets ? Oui, et il faut observer que ni les services portugais, ni leurs homologues français ne l'avaient vu arriver. Avec X, Patrick Pénaud sur France Inter. L'opération Saphir était en effet minutieusement préparée par les deux services. Voici ce que je lis dans l'Histoire politique des services secrets français, un ouvrage collectif de Roger Faligaud, Jean Guinel et Rémi Coffet. Quatre hauts fonctionnaires guinéens, recrutés par la PIDE à Conakry même, sont de mèche avec les comploteurs regroupés au sein d'un pseudo-front de libération nationale de Guinée. Le plan final est prévu pour juillet 1974. Un rapport GUSDEC du 4 avril présente les détails concernant les communications et le transport de troupes par avion. Le rétro-planning de Saphir se décline ainsi. 16-23 avril, réunion dans un pays africain avec les dissidents du PAIGC, le parti de Cabral. Établissement du plan d'action. 22 avril, 5 mai, instruction des dirigeants par nos techniciens en Europe. Réunion possible à Bruxelles sans les gens du PAIGC. Fin mai, début juin, installation du matériel et du personnel. Deuxième et troisième semaine de juin, entraînement du personnel. Fin juin, début juillet, lancer l'action. Ici une anecdote qui prouve bien l'aveuglement des services. Le 25 avril, Barbieri Carlosso, l'homme de la PIDE, est introduit dans le bureau d'Alexandre de Maranche au siège du SDEC. Ce rendez-vous doit finaliser l'accord entre les deux services au sujet de l'opération Saphir. Avant même que la conversation ne commence, le patron du SDEC interroge le portugais. « Savez-vous ce qui se passe chez vous ?» Et comme Cardoso semble ne pas comprendre le sens de la question, Portos, comme on le surnommait, lance Goguenard. « La révolution, mon cher !» Donc le portugais n'était absolument pas informé. C'est la vérité. Et comme il n'est pas question pour lui de retourner chez lui, où la PIDE va devenir une des cibles prioritaires des révolutionnaires, le SDEC va généreusement le prendre sous sa protection. Donc en France? Oui, un colonel va même être chargé de sa personne. C'est dire la considération qu'on accorde au personnage. Tandis qu'un autre colonel du SDEC va être prestement envoyé au Portugal. Un homme que nous avons rencontré il n'y a pas très longtemps. Qui ? Marolle. Ah, c'était l'officier qui était chargé de cordaquer le rebelle messaliste Mohamed Bellounis. Vous voyez que le monde du renseignement est tout petit. Bon. Et quelle est la mission du colonel de Marolle ? Récupérer le maximum d'archives de la PIDE. Celles, bien entendu, qui prouvent la collusion de longue date entre le SDEC et la police secrète portugaise. Et il faut faire fi ça. Dès le début de la Révolution, des manifestants ont assiégé l'immeuble de la PIDE où se sont retranchés 400 policiers. La PIDE exécrée par la population. Les symboles des exactions d'un régime totalitaire qui a régné par la terreur. Oui. Et Marolle a-t-il réussi ? En partie, oui. On lui a envoyé par avion un commando du service action qui s'est mêlé aux manifestants et ainsi a pu mettre la main sur des documents très embarrassants pour la France. Car il n'y avait pas que le SDEC à être compromis. Les RG aussi avaient collaboré avec la PIDE. Les renseignements généraux, la surveillance des immigrés portugais ? Oui. Quoi qu'il en soit, la récupération partielle de ces archives n'a pas empêché que des documents arrivent dans les mains de quelques journalistes qui en ont fait l'usage que vous imaginez. Toutefois, la plus grande partie de ces archives a été soigneusement rangée dans les coffres du fort de Noisy, sous bonne garde. Cependant, quand la gauche française est arrivée au pouvoir, 7 ans plus tard, les gens du SDEC ont cru bon d'envoyer ces précieux documents à l'étranger. Et où ? Désolé, je ne sais pas. En tout cas, c'est qu'elle devait être accablante pour le SDEC, qui deviendra la DGSE. Enfin, passons. Vous connaissez, puisque c'est un sujet que nous avons déjà évoqué, le processus qui a conduit à la révolution des œillets. Oui, essentiellement, le malaise des officiers subalternes qui avaient le sentiment de mener une guerre inutile dans les colonies. Et car promise à un échec. De toute façon, l'armée était incapable d'empêcher que ces colonies deviennent indépendantes. Il y a en outre le fait que ces capitaines ont l'impression qu'on les force à se salir les mains en utilisant des méthodes dégradantes. Ouais, la torture, les exécutions sommaires, quoi. Enfin, le quotidien de la guerre coloniale. Hein. Il faut aussi parler de l'action du général Spinola. Aristocrate, résolument conservateur, Spinola, le général au monocle, avait été très longtemps un partisan de Salazar. En 1973, gouverneur et commandant en chef des armées en Guinée-Bissau, il a pris l'initiative de prendre langue avec les partisans d'Amilcar Cabral. Et ça n'a guère plu à Lisbonne, j'imagine. C'est évident. Spinola, à son tour, a compris que la guerre ne pourrait pas être gagnée sur le terrain. Il est donc partisan d'une solution négociée et ne s'en cache pas. Le successeur de Salazar, Marcelo Gaetano, sans doute pour apaiser Spinola, le rappelle à Lisbonne et le nomme à l'état-major des armées. Ouais, c'est un peu le loup dans la bergerie, ouais, ça. C'est à peu près ça, car le général a entrepris la rédaction d'un livre où il rassemble ses idées sur la question coloniale, c'est-à-dire la nécessité de reconnaître aux peuples africains le droit à l'autodétermination. Le livre de Spinola est publié au début de l'année 74 et obtient un énorme succès. Le gouvernement est furieux et le général ne tarde pas à être démis de ses fonctions officielles. Mmh. En mars 1974. Ouais, donc un mois avant la révolution. Ouais, dans le même temps, la grogne des capitaines a grandi. De nature d'abord corporatiste, leur opposition devient plus politique et même révolutionnaire. Certains sont très proches des communistes et envisagent déjà ouvertement le renversement de la dictature. C'est ce que préconise un manifeste distribué dans les casernes et signé par un groupe clandestin, le MFA, le Mouvement des Forces Armées. Mais c'est le fer de lance de la révolution des œillères. C'est exact. Alors, bon, je ne reviens pas sur le déroulement même de cette révolution. À laquelle Spinola s'associe. Hein? Spinola, qui sera proclamé président de la République en mai 1974. Pourtant, politiquement, il est aux antipodes de ses capitaines révolutionnaires. Ouais. Et le divorce ne tarde pas, d'ailleurs, à survenir. Hein? Bah, il ne pouvait pas en être autrement. Très vite, on observe qu'il existe deux camps. D'une part, il y a les modérés, partisans de fonder une démocratie parlementaire classique. Et de l'autre côté, il y a les communistes et une partie notable des capitaines du MFA qui prônent une démocratie directe et l'instauration d'un régime révolutionnaire. Au fond, les deux camps ne sont d'accord que sur un seul point, accorder l'indépendance aux colonies africaines. Et ça va se faire très rapidement, hein. Fin 75, il en sera fini de l'empire colonial portugais. Alors, revenons à la compétition entre ces deux camps. Le premier gouvernement provisoire est dirigé par un colonel qui est un compagnon de route du Parti communiste. Ça provoque d'emblée de sérieux tiraillements avec le conservateur Spinola. Spinola qui en appelle à la majorité silencieuse, comme on dit. Mais la manifestation organisée par ses partisans tourne au fiasco. Le général en tire la leçon et démissionne. Toutefois, il ne se résigne pas. Au mois de mars suivant, il tente un coup d'État. Nouvel échec. Et là, il doit s'enfuir. Un mot d'abord. Il est évident que les gouvernements occidentaux regardaient avec faveur ce général qui pouvait faire pièce à ses militaires proches des communistes. À commencer par les États-Unis, qui l'avaient d'ailleurs encouragé à rompre avec une dictature qu'il savait condamner. Mais les Français aussi. Maranche était décidé à faire tout ce qu'il fallait faire pour lui donner un coup de main. Ouais. Et attendez, après sa fuite du Portugal, où trouve-t-il refuge ? Bah d'abord en Espagne, où il crée un mouvement contre-révolutionnaire, l'Armée de Libération du Portugal, l'ELP. Mais il ne réussit pas à regrouper beaucoup d'opposants autour de lui. Il comptait organiser un nouveau putsch ? C'est certain. Nouvelle déconvenue. Quand Franco meurt à l'automne 75, le général Spinola est prié de quitter l'Espagne. Direction ? La France. Et immédiatement, c'est le SDEC qui s'occupe de lui. Alors, comme le service l'a fait pour Cardozo un an et demi plus tôt. Et c'est le même colonel qui est chargé de prendre soin de lui, sous le pseudonyme de Ribeiro. Le général est installé dans un petit hôtel de Saint-Maur-des-Fossés. Et là, à ce moment-là, a-t-il toujours l'intention de revenir au pouvoir ? Oui, il rencontre du beau monde. Des membres des services secrets des pays de l'OTAN, comme le chef de la station de la CIA à Paris, ou encore des représentants des services allemands. Et donc ça, en plein accord avec les gens du SDEC. Qui assurent à la fois sa protection et sa surveillance. Donc ça signifie que le SDEC approuve ses initiatives. Et pense encore qu'il pourra faire un retour triomphant dans son pays. Mais pour cela, il lui faut armer ses partisans. À cette fin, il noue des contacts avec une firme allemande. Mais patatras, un journaliste avant de l'affaire et le dénonce. Bonne est embarrassée et doit même rappeler le représentant de ses services spéciaux en poste à Lisbonne. Osdeck commence à penser que Spinola n'est peut-être pas le bon cheval. C'est-à-dire celui qui permettrait au Portugal d'échapper à la traction communiste. Et qui saurait réussir une contre-révolution. Pourtant, avant de le lâcher, Alexandre de Marange veut en juger par lui-même. Et il reçoit Spinola au siège du SDEC en avril 76. Un rendez-vous décevant. Anecdote. D'après les auteurs de l'histoire politique des services secrets français, que j'ai déjà cité, le colonel de Marolles, l'homme qui a récupéré les archives de Lapide, assiste à l'entretien. Après le départ de Spinola, le patron du SDEC demande son opinion au colonel. Son avis est éloquent. Spinola sait démonter une arme, mais il ne saurait pas la remonter. Bref, le général serait incapable de conduire une nouvelle révolution. Le SDEC croit donc de moins en moins dans la solution Spinola. Et désormais, il paraît plus sage de soutenir une gauche et une droite portugaise modérées. Ce à quoi vont s'atteler les agents envoyés sur place. Dans les faits, ils vont favoriser l'arrivée au pouvoir du socialiste modéré Mário Soares, qui a rompu avec les capitaines quelque temps auparavant. Mais les Occidentaux ne sont pas tous sur cette ligne. Les Américains et les Britanniques préféreraient une option plus radicale. C'est-à-dire ? Effrayés par la gauchisation du Portugal, ils envisagent une action semblable à celle qu'ils ont menée 3 ans plus tôt au Chili. Le coup d'État contre Allende. Et la prise du pouvoir par Pinochet. Spinola devenant le Pinochet portugais. Exactement. Et les Américains s'y préparent activement. Avec les survivants d'Agenterpres et quelques barbouzes qui sont d'anciens membres de l'OAS. Mais quand on connaît la proximité de ces hommes avec le SDEC, ne peut-on penser que le service français joue là un double jeu ? Je ne crois pas. Paris a déjà choisi son champion. Soares. Qui deviendra Premier ministre en avril 1976, avec le soutien occulte des agents du SDEC. Oui. Alors c'est donc d'une certaine façon une défaite pour les Américains. Qui doivent en effet renoncer à leur solution putschiste. Pourtant le secrétaire d'État, Henry Kissinger, et l'ambassadeur états-unien au Portugal, Frank Carlucci, auraient préféré la réédition du coup d'État chilien, et pas seulement pour empêcher les communistes de s'imposer à Lisbonne. C'est-à-dire ? Ces Américains avaient en vue un autre objectif. Obtenir la sécession de l'archipel stratégique des Açores, à leur profit bien sûr. Je vous rappelle le titre de l'ouvrage de Roger Faligaud, Jean Guinel et Rémi Coffer, « L'histoire politique des services secrets français ».